c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est La Marche des Sciences. En mai 2011, l'Organisation mondiale de la santé animale a officiellement déclaré l'éradication mondiale de la peste bovine chez les animaux. Néanmoins, des dizaines de laboratoires dans le monde possèdent des stocks de virus de la peste bovine, conservés pour certains d'entre eux dans des conditions de biosécurité inappropriées. Aujourd'hui, une épidémie de peste bovine ne pourrait survenir que si le virus s'échappait d'un laboratoire de manière accidentelle, par négligence ou par un acte délibéré. Le monde doit agir dès maintenant afin de réduire le nombre de laboratoires qui stockent le virus de la peste bovine. L'homme et la nature, l'association des deux pourrait conduire à une situation bucolique, un jardin d'Éden où au fil des siècles, l'épanouissement de l'un irait avec l'enrichissement et le bien-être de l'autre. Mais la fiction a ses limites et au rêve succède la réalité. Aujourd'hui, le constat est sans appel, nous traversons une crise environnementale qui, au regard de l'histoire, nous montre l'ampleur du désordre qui existe dans les liens entre l'homme et la nature. Pollution, maladies, épidémies, risques sanitaires, chaque jour, l'actualité du monde nous rappelle de façon sporadique l'état de cette crise environnementale. Des salades renfermant des résidus de DDT et autres pesticides, à une surconsommation de viande présentée comme scientifiquement dangereuse pour la santé des hommes, en passant par les pommes qui seraient de véritables concentrés de perturbateurs endocriniens ou encore le virus Ebola, les alertes sont souvent lancées, donnant une perception fragmentaire de la situation, alors que la crise est ancienne et s'accélère irrémédiablement. En effet, à y regarder de plus près, l'ensemble de ces événements constitue un riche tableau historique, un siècle de liens tissés entre santé et environnement qui nous montre que l'homme n'en est pas seulement un témoin, mais est aussi et surtout un acteur de premier plan et une victime programmée. Outre des choix peu judicieux dans la lutte menée contre les nuisibles et les agents pathogènes, l'histoire révèle que nous aurions trop consacré de temps et d'énergie à soigner les symptômes et qu'il serait temps aujourd'hui de s'attaquer aux causes du mal. Mais sommes-nous seulement disposés à tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Ce sont ces questions que nous aborderons avec notre invité aujourd'hui en direct sur France Culture. Il s'agit de l'historienne Valérie Chanzigo, docteur en sciences de l'environnement, auteur de nombreux livres dont « Histoire de l'homme et la nature » paru chez Delachaux et Niesley, et tout récemment l'ouvrage « La nature à l'épreuve de l'homme » toujours chez le même éditeur. Et cette première partie d'émission sera comme d'habitude émaillée d'archives sonores choisi par Anaï Morales. Et puis en seconde partie d'émission et en partenariat avec le magazine Science et Vie qui ce mois-ci nous offre ses cahiers, nouvelle formule avec plus de sujets, plus d'actualités, plus d'enquêtes, nous plongerons dans le dossier central du magazine consacré à la civilisation des Incas. Inca, l'empire de tous les mystères, c'est son titre et notre invitée sera l'historienne ethnologue Carmen Bernan, spécialiste des civilisations andines. Mais tout de suite, l'homme se loue pour la nature avec d'emblée un retour en arrière avec cette archive sonore de l'INA datée du 10 octobre 1984. Les propriétaires de chats sont très inquiets. En effet, dans 30 départements où la rage a été constatée, les chats qui seront trouvés sur la voie publique devront être abattus, et cela même s'il est prouvé qu'ils ont été vaccinés contre la rage. Une décision certes draconienne, mais rendue inévitable, dit-on au ministère de la Santé, dans la mesure où la rage s'étend de plus en plus en France. La réglementation prévoit que les chats errants sont abattus immédiatement dès leur arrivée en fourrière. Car nous n'avons aucune connaissance bien précise sur l'efficacité de la vaccination antirabique du chat. Pour l'instant, il semblerait que l'efficacité de la vaccination antirabique est moins bonne que chez le chien. Deuxièmement, la rage du chat, lorsqu'elle se produit, est beaucoup plus dangereuse que celle du chien, car le chat est un animal très agile qu'il est très difficile de maîtriser. Par ailleurs, on ne pourra vraiment accorder du crédit à la vaccination antirabique du chat que lorsqu'on sera sûr que le chat sera bien identifié. Bonjour Valérie Chanzigo. Bonjour. Vous étiez très attentive en écoutant cette archive, je rappelle, datée du 10 octobre 1984, et on entendait l'interview du docteur Linière, donc avec ce sentiment un petit peu de panique à bord, j'ai envie de dire, et donc une solution expéditive. En tout cas, ce thème de la rage, oui, vous l'évoquez dans votre livre, et là, vous aviez très envie de réagir. Oui, c'est vraiment un exemple typique des mauvaises idées qu'on met un point d'honneur à mettre en place et appliquer scrupuleusement, c'est-à-dire il y a une maladie véhiculée par des animaux sauvages ou domestiques, peu importe, on va réaliser un grand massacre et en essayant vraiment de pouvoir contenir comme ça cette maladie. Tous les exemples montrent que c'est une politique qui est systématiquement ou pratiquement systématiquement vouée à l'échec. La seule façon de contrôler une épizootie véhiculée, donc une maladie véhiculée par des animaux, notamment sauvages, ça serait d'exterminer tous les animaux sauvages porteurs de cette maladie. Et si ce n'est pas fait, très souvent, les campagnes d'éradication qui sont faites ou d'extermination sont toujours parcellaires. Mmh. Il y a toujours en fait des animaux qui en réchappent. Et les vides créés dans les populations favorisent la multiplication des animaux. C'est-à-dire, par exemple, au moment de l'arrivée de la rage vulpine, cette fois, on met en place des systèmes de gazage, par exemple, avant que la vaccination du renard élimine cette maladie. Et on se rend compte que la densité de population du renard peut être plus forte lorsqu'on commence à gazer les renards que si on ne fait rien, tout simplement parce qu'on fait des vides dans la nature, oui, comblés par des jeunes qui viennent d'un territoire qui est à côté. Donc ça fait une circulation plus grande, circulation des pathogènes plus importante et un nombre total de renards plus important. Et ce type et de donc politique, un effet amplifié finalement du mal. Voilà. Mais avec l'impression de faire quelque chose d'extrêmement efficace. La preuve, c'est qu'on est en train de massacrer telle ou telle espèce. Eh oui, on va en parler justement parce qu'on va faire des retours comme ça dans l'histoire, mais se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours pris la mesure de ces erreurs, en tout cas, et tirer des leçons. Alors, l'ambition de votre dernier livre, donc Valérie Chanzigo, qui s'intitule « La nature à l'épreuve de l'homme », vous aviez pris la mesure justement de l'ampleur du désastre dans les liens qui unissent l'homme et la nature, et vous avez eu cette envie vraiment de rendre enfin visible la crise environnementale dans sa globalité. Oui, en 2013, j'avais fait un livre L'homme et la nature, une histoire mouvementée, et qui partait de très loin, puisque ça, c'est un livre qui débutait à la préhistoire. Et c'était une façon de montrer cette relation sur le temps long. Et j'avais énormément d'éléments historiques, un matériel très riche, sur plutôt le temps présent, voire très vraiment actuel, c'est-à-dire la dernière décennie. Le siècle est écoulé aussi, non ? Même moins que le siècle est écoulé. Et ce livre a eu l'occasion de revenir sur cette période de temps, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, les 50 dernières années, parce que ce que j'avais observé, c'était une accélération à la fois des problèmes environnementaux, mais à la fois également des connaissances qu'on avait de ces problèmes environnementaux. Et je trouvais qu'il y avait une immense contradiction entre le fait d'en savoir de plus en plus et d'agir... Enfin, d'être incapable d'agir avec une réelle efficacité puisque la situation se dégradait de plus en plus. Donc finalement, trop de connaissances tue la connaissance et n'inverse pas forcément la donne par rapport à cette crise environnementale. Disons que c'est pas une sorte de panacée, la connaissance. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'on sait que l'on va bien agir. Il y a un exemple que je cite souvent parce que tout le monde le connaît plus ou moins. C'est, on a autour de soi des personnes qui sont médecins ou qui appartiennent au corps médical et qui fument. Ce sont les personnes les mieux, je dirais, formées et au informées. Monde et informées. Elles savent parfaitement les méfaits du tabac, mais pourtant elles continuent de fumer. Et ça, ça illustre bien l'un des penchants de l'être humain, c'est-à-dire c'est pas parce que l'on sait que l'on va agir avec intelligence. Or, beaucoup de politiques environnementales sont bâties sur l'idée qu'on va développer les connaissances, on va débloquer des programmes de recherche, parce que ces programmes de recherche vont nous permettre demain d'agir correctement. Et ça repose sur une utopie. utopie, parce que effectivement, les leçons de l'histoire montrent que ça ne marche pas. Alors, vous avez choisi de non pas titrer vos chapitres, il y en a 8, mais carrément de leur donner plutôt un mot pour désigner ce qu'ils représentent. Alors, on va démarrer comme ça et essayer d'évoluer dans votre livre. Valérie Chanzigon, on ne pourra pas tout dire parce qu'il est extrêmement riche, mais d'emblée, le premier chapitre s'intéresse à l'adaptation. Donc là, nous, on pense formidable, l'adaptation des êtres vivants, capables de s'adapter à toute crise environnementale, etc. Non, le problème, c'est que là, les insectes, les virus s'adaptent aussi, et c'est ce qu'on appelle les résistances. Oui, oui, oui. Ce qui est incroyable, c'est la difficulté qu'il y a pour l'être humain de s'adapter aux modifications qu'il fait dans le monde. Et par exemple, dans le cas des pesticides et des insectes, en 45 apparaît sur le marché le DDT, le fameux dont on a reparlé là, c'était au mois de... Non, en septembre, pour les salades, dans lesquelles on a retrouvé des résidus de DDT, normalement produits interdits depuis les années... 70, hein, c'est ça, hein. Milieu, oui. En France, milieu des années 70, deuxième, oui, moitié des années 70. Oui. Et ce DDT, qui est donc une molécule miracle, dès le début, dès 45, il y a des scientifiques, des parasitologues, des entomologistes ou d'autres qui vont en fait lancer des signaux d'alerte en disant, mais attention, c'est une molécule qui est nouvelle, certes, elle est pas chère, elle est très efficace, il est facile de la produire et de l'utiliser, mais attention, quelles vont être les conséquences sur le long terme, voire à moyen terme, de cette utilisation. Et surtout, vous dites donc un produit qui apparaît ou qui est lancé donc en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, et dès 1946, on observe les premiers signes de résistance aux produits en Italie. Oui, alors ce phénomène de résistance sont connus depuis longtemps. Oui. Avant le DDT, on utilisait d'autres choses, notamment de l'arsenic. Oui. Et dès les années début du XXe siècle, on sait que des insectes sont capables de développer des résistances à ces produits chimiques. Et en fait, ça diminue leur mortalité. Les produits sont de moins en moins efficaces. Parfois, ils perdent totalement leur efficacité. Dans le cas du DDT, il faut à peu près un an pour observer les premières formes de résistance. Et malgré que l'on comprend parfaitement, par exemple, il y a un célèbre scientifique, Dobansky, qui va, dès les années 30, dire la résistance aux insecticides est la meilleure preuve, en fait, de la théorie darwinienne, de la sélection naturelle développée par Darwin. C'est pour lui une preuve irréfutable de ce mécanisme. En fait, malgré qu'il soit célèbre, malgré que ses travaux soient lus, en fait, il est écouté par personne. Et lorsqu'on va s'intéresser au développement de résistance des insectes face aux insecticides, c'est non pas en 45, c'est non pas dans les années qui suivent, mais il va falloir attendre les années 70, quand vraiment les problèmes de résistance deviennent, ça devient un tel obstacle à l'utilisation des insecticides qu'il faut bien prendre la mesure en fait de ce problème-là. Et en sachant que au-delà de ces résistances que l'on observe et donc du coup qui remet en question la pertinence de l'utilisation de ces produits, on se rend compte que ces produits peuvent avoir des dégâts autres sur d'autres espèces qui sont anéanties à cause de l'utilisation notamment du fameux DDT. Oui, c'est-à-dire par exemple il y a des insectes ou des invertébrés qui n'étaient pas un problème pour l'agriculture, par exemple, je pense notamment aux acariens, qui étaient marginalement un problème pour la production agricole, qui vont le devenir après 45, tout simplement parce que le DDT annihilant en fait tout ce qui est parasite et prédateur de ces acariens, les acariens vont pouvoir croître et se multiplier à l'envi. Et on a même observé des cas où les acariens étaient capables de métaboliser les acaricides qu'on utilisait contre eux. C'est-à-dire, en fait, en gros, pour simplifier, ils mangeaient les produits qui étaient censés les tuer. Et dans le cas du DDT, mais il y a aussi la fameuse Rachel Carson qui, en 1962, tire la sonnette d'alarme avec son livre Silent Spring, hein, printemps silencieux, traduit aujourd'hui dans toutes les langues, je pense, hein, de par le monde, et qui est une des premières aussi à montrer que le DDT met à mal, en tout cas, les oiseaux, hein, typiquement, je crois, oui, la reproduction. Oui, oui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les insecticides posent un problème en termes d'efficacité parce qu'on ne prend pas la mesure de la résistance qui se développe, mais également, effectivement, il va y avoir des effets secondaires beaucoup plus larges que le simple champ ou le simple marais que l'on va traiter dans un but, utilitariste. Alors vous parlez des marais, ça tombe bien, Valérie Chanzigo, justement, apparition d'autres résistances dans d'autres domaines, mais par exemple, le domaine du paludisme. Hein. Alors, quelle solution trouver? On va retourner, justement, dans ce temps passé avec cette archive extraite des fonds de l'INA. Il s'agit de l'émission Union Française, magazine de de la France d'outre-mer du 11 mars 1955 et avec l'interview du docteur Lag par Pierre Ichac. On avait déjà entrepris la lutte par les moyens connus, en particulier distribution systématique de quinine à certaines couches de la population, mais qui était loin de couvrir tout le monde et d'avoir une action efficace du fait de la pullulation permanente des moustiques dans la palmeraie. On avait également essayé d'amener quelques gambouses que l'on avait lâchées dans les collections d'eau qui se trouvaient à travers la palmeraie. Les gambouses sont des petits poissons d'origine mexicaine qui ont été amenés en France et qui ont pour priorité de se nourrir tout spécialement des larves de moustiques qu'elles absorbent, les détruisant ainsi. Ceci nous amène à la deuxième phase de la lutte. C'est en 1949, sous l'impulsion de la direction du service de santé des territoires du Sud, avec l'aide technique du professeur Mandoul de la faculté de médecine d'Alger, qu'a été entreprise la vraie lutte contre le paludisme à Ouargla. Ça a vraiment été une expérience pilote dans la lutte antipaludique en Afrique du Nord. On a évidemment conservé les moyens anciens et on a continué les distributions de Nivaquine, en particulier à la population enfantine, qui est le gros réservoir à virus en matière de paludisme. De plus, on a essayé de détruire l'insecte adulte à travers la ville par des pulvérisations systématiques, DDT ou HCH, dans toutes les maisons d'Ouargla, ainsi que par pulvérisation par avion sur la palmeraie. Alors Valérie Chanzigo, on retrouve le DDT hein, là encore. Oui, on retrouve d'autres choses. Par exemple, il fait allusion à l'utilisation de poissons qui se nourrissent de larves de moustiques. C'est encore recommandé par l'OMS. Or, il y a une méta-étude qui est parue il y a quelques années qui démontre qu'il n'y a jamais eu la moindre démonstration scientifique du rôle positif de ces poissons sur les quantités de moustiques. Par contre, on connaît tout à fait le rôle négatif de ces poissons sur la faune locale, parce qu'ils viennent en concurrence, en fait, avec d'autres espèces de poissons ou d'autres espèces d'invertébrés. Ce qui est frappant aussi dans le cas du paludisme, c'est vraiment un exemple type, c'est qu'on va assister à l'émergence d'une double adaptation, à la fois du pathogène, qui n'est pas un virus comme ce qui a été dit, mais un protozoaire, pour faire simple. Il devient, en fait, il s'habitue, il s'adapte à la quinine et à ses dérivés, souvent d'ailleurs de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire il y a des produits médicamenteux, le plasmodium s'adapte en quelques semaines, quelques mois. Donc ça va extrêmement vite. Pareil, les moustiques s'adaptent également aux pesticides et on va voir une double adaptation qui va se mettre en place avec des moustiques qui sont résistants aux insecticides et des plasmodiums, donc l'agent pathogène du paludisme, qui vont être résistants aux médicaments censés les traiter. Et en général, il reste d'autres produits, mais qui sont plus chers que ceux qui deviennent inutilisables à cause de la résistance. Et pour les pays les plus pauvres, ça pose un véritable problème de santé publique et collectif, à savoir comment traiter, en fait, ceux que l'on a maltraités dans le passé par une utilisation abusive de ces produits. Et vraiment, c'est un problème de santé absolument considérable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans cette perpétuelle course, finalement, à trouver un nouveau produit pour dépasser les résistances ? Dans le cas des insecticides, c'est extrêmement net, c'est-à-dire que dès 46 commencent à apparaître les premières résistances et on ne va pas s'arrêter à produire en fait de nouvelles molécules. Ces molécules en général sont toujours plus graves que les molécules précédentes. Les pesticides aujourd'hui utilisés ont un impact par exemple sur l'entomofaune naturelle absolument considérable. L'entomofaune, c'est-à-dire ? C'est-à-dire tout ce qui est population d'insectes et d'invertébrés. On estime qu'en 40 ans, le nombre d'insectes a diminué de 45%, par exemple. D'ailleurs, tous les auditeurs peuvent s'en souvenir, ceux qui ont quelques années derrière eux. Quand on était enfant, on se souvient de ces vitres de pare-brise de voitures totalement maculées d'insectes. C'est quelque chose qu'on ne vit plus du tout. Ce qui est vraiment extrêmement grave, c'est encore une fois, c'est pas une crise qui vient d'arriver hier matin et face à laquelle on n'a pas d'éléments. C'est quelque chose qui s'est installé depuis 45. Le DDT a été interdit a commencé à être interdit en 1970, c'est 45 ans plus tard. Et alors qu'on s'est aussi rendu compte qu'il pouvait provoquer des cancers, notamment, hein, sur, donc avoir des effets. Oui, aussi oui, sur qu'il y avait toute une série d'effets prouvés ou supposés négatifs. Mais 45 ans plus tard, 45 ans de régulation, en fait, on n'a toujours pas réglé le problème des pesticides. Alors, vous nous parlez dans votre livre, Valérie Chanzigaud, aussi des. Donc, alors, il y a des éradications qui furent des victoires, hein, comme par exemple la peste bovine en 2011. Mais il y a des maladies impossibles à éradiquer. Et alors, on découvre par exemple la maladie de Carré. Alors, maladie de Carré, beaucoup de propriétaires de chiens la connaissent parce que on recommande la vaccination des chiens parce que les jeunes chiens sont extrêmement sensibles à cette maladie. Mais il faut savoir que la circulation des chiens sur Terre a transporté cette maladie. Par exemple, on a eu une épidémie chez des phoques en Antarctique de maladie de Carré. Après enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait une station scientifique, qu'il y avait des chiens de traîneau qui n'étaient pas vaccinés, mais qui étaient porteurs de cette maladie de Carré. Et en fait, par contact, ils avaient transmis cette maladie aux phoques qui vivaient à côté. Et ça, il y a eu plusieurs milliers de phoques qui sont morts suite à l'épidémie qui a été provoquée dans leur rang. Alors en fait, elle correspond à quoi cette maladie? Elle provoque quoi précisément? C'est une maladie virale qui touche beaucoup de carnivores, en fait, beaucoup de mammifères, en sachant que le véhicule principal, c'est le chien domestique. Et dans les pays comme les États-Unis où la vaccination des chiens est à peu près complète, dans ce cas-là, ce sont des animaux sauvages qui sont le vecteur, notamment le rat musqué. D'accord. Et il n'y a jamais eu de transmission à l'homme? Pas à ma connaissance. Il doit y avoir peut-être des cas, mais c'est pas une maladie qui touche l'être humain. En tout cas, il y a ces maladies et ces épidémies dont vous nous faites part et qui montrent aussi cette intrication entre les êtres humains, les animaux domestiques, le monde sauvage. On va en prendre la mesure avec cet autre document sonore. Il s'agit des problèmes de la chauve-souris. Hein. Le document date du 1er décembre 2014. C'est l'interview de la biologiste canadienne Anouk Simard pour le télémag Loisirs, Chasse et Pêche. On s'intéresse aux chauves-souris parce qu'ils vont très mal en ce moment. Donc, on a 8 espèces de chauves-souris au Québec. Et les chauves-souris qu'on appelle cavernicoles, qui sont les chauves-souris résidentes du Québec, sont affectées depuis quelques années par une maladie qu'on appelle le syndrome du museau blanc. En fait, c'est pas une maladie, c'est une infection fongique. Et cette infection-là décime les populations de chauves-souris résidentes du Québec, donc les cavernicoles. Quand on dit décime, là, à quel point? On s'est vraiment décimé. Donc, on parle de plus de 90 % de mortalité chez certaines espèces. Dans le fond, le champignon, c'est un champignon qui a été introduit d'Europe à New York en 2006. Il est arrivé au Québec en 2010. Et le champignon, c'est un champignon qui aime le froid. Donc, il va se développer durant l'hiver et à peu près à la même température que les chauves-souris. Donc, les chauves-souris, l'hiver, ils aiment bien 4 degrés. Ils descendent leur température, ils rentrent en torpeur. Et là, le champignon va se développer sur les chauves-souris. Et ce que ça fait, c'est que le champignon fait une espèce de maladie de peau. Finalement, il rentre dans les tissus. Et c'est pas le champignon qui les tue comme tel, c'est que le champignon va faire qu'ils vont se réveiller beaucoup plus souvent. Donc, finalement, ils s'épuisent très, très rapidement. D'épuisement, littéralement d'épuisement. Exactement. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Alors Valérie Chanzigaud, vous avez choisi de développer assez largement hein, ce syndrome du museau blanc ou du nez blanc, comme on dit, qui touche les chauves-souris, parce que au-delà de cette affection justement qui les touche, c'est par cascade, ça remet en question beaucoup de choses, à la fois dans la nature et puis par rapport à l'homme aussi. Oui, c'est un exemple typique. Alors, pour replacer un petit peu l'origine de cette maladie, c'est une maladie qu'on a découvert très récemment, il y a une quinzaine d'années à peu près. Oui, je crois que c'était en janvier 2007, hein, ou même, je crois, voilà. Le syndrome. Et puis l'agent pathogène est identifié en 2012. Voilà. Et il est dû arriver en 2006 dans une grotte, en fait, une grotte unique. Le point de départ est très, très connu, très localisé. C'est une grotte qui est une grotte touristique, donc il y a beaucoup de visiteurs et très probablement des touristes ou des scientifiques venant d'Europe et avec des chaussures ou un équipement non nettoyé, des choses qui portaient de la poussière venant de ces grottes européennes. Dans ces grottes, il y avait un champignon, et ce champignon, en fait, s'est développé sur les chauves-souris d'Amérique. Et à partir de cette grotte unique, il y a une épidémie en extension, elle continue de s'étendre. On estime qu'il y a eu 6 à 7 millions de chauves-souris mortes aujourd'hui à cause de cette épidémie. Alors, ce champignon existe sur les chauves-souris européennes, mais les chauves-souris d'Europe, en fait, ne sont pas malades. Elles sont simplement porteuses de ce champignon. Il y a une coévolution qui fait que la chauve-souris, pour le coup, je vais reprendre le mot tout à l'heure, est adaptée. Oui. Mais le fait d'avoir véhiculé ce champignon, ça a fait franchir une frontière qui était une frontière naturelle, qui était la frontière de l'Atlantique, parce que les chauves-souris se déplacent assez peu à travers des espaces aussi grands. Et c'est pourquoi le champignon n'avait jamais touché naturellement le sol américain. Il a fallu l'intervention de l'homme, ce qui est très très très souvent le cas dans ces exemples d'épidémies brutales et violentes. Et en fait, il a fallu le transfert de l'homme d'un continent à un autre pour provoquer cette épidémie. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune idée de comment soigner ces chauves-souris. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une sélection naturelle qui permette l'adaptation, enfin l'émergence de lignées résistantes aux chauves-souris. Mais il est très probable que certaines espèces ne finissent par disparaître. En tout cas, vous parlez aussi des conséquences économiques quand même de cette épidémie, j'imagine, par rapport à oui, ce qui est engagé. Parce que ce sont des espèces, ce sont des animaux insectivores. Ouais. Et quand on a une grande, comme ça, une chute des populations d'insectivores, une augmentation du nombre d'insectes, et forcément pour l'agriculture. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique, c'est-à-dire très souvent ces problèmes d'introduction, ces problèmes d'introduction d'espèces envahissantes, de maladies, vont provoquer en fait une dépendance encore plus forte aux pesticides. Il y a eu un exemple cet été avec l'arrivée d'une bactérie dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, qui a affecté les oliviers en tuant massivement les oliviers de cette région. Il est clair que pour essayer de contenir la maladie, on va utiliser des quantités d'insecticides importante pour essayer de tuer les insectes vecteurs de la bactérie. Donc en fait, c'est une dépendance encore plus grande. C'est non seulement l'impact direct, qui peut être économique ou écologique, ou les deux, mais également en fait une dépendance encore plus grande aux produits chimiques que l'on sait avoir eux-mêmes des conséquences. Donc c'est une situation absolument inextricable. Et on peut reproduire ces situations en parlant par exemple du moustique tigre, à l'origine de 22 arbovirus, dont la dengue et chikungunya. Vous nous parlez dans votre livre aussi de maladie du charbon, Ebola, donc les singes victimes des maladies des hommes, le problème du flux des touristes, la proximité, la déforestation. C'est vrai que toute cette intrication, en tout cas, est éclatante. Et vous nous parlez aussi, dans le chapitre gestion, justement, de cette volonté, à partir de 1960, de gérer les héritages, les menaces, de corriger ou d'amoindrir les conséquences des gestions précédentes. Et en même temps, si on développe, par exemple, le cas du chien de prairie, il est extraordinaire ce cas-là, parce qu'on voit à la fois toutes les erreurs faites par le passé de l'homme, et puis comment on a essayé de revenir sur ces erreurs. Racontez-nous l'histoire du chien de prairie. Déjà, c'est quoi ? Alors, le chien de prairie est un petit rongeur qui vit en Amérique du Nord. Il y a plusieurs espèces qui vivent dans le nord de ce continent, et qui avait la particularité d'exister dans des colonies extrêmement vastes, extrêmement populeuses, où il y avait des centaines de millions de chiens de prairie. Pourquoi on l'appelle le chien de prairie? Tout simplement parce qu'il avait l'habitude, c'était pas son cri, mais l'habitude de s'avertir d'un danger, en fait, comme le chien était la sentinelle de la ferme. Il y avait cette analogie, en fait, entre les deux. Et comme il poussait des cris à l'arrivée d'un danger, comme un rapace, par exemple, pour prévenir les autres membres de la colonie pour se cacher, on l'a appelé chien de prairie. Et on a jugé que des centaines de millions de chiens de prairie étaient un gâchis absolument immense, alors qu'on aurait pu cultiver des vaches à la place. Ça aurait été quand même bien plus beau et beaucoup plus rentable. Donc la rentabilité aussi, elle est très présente dans les histoires que vous nous racontez. Oui, oui, cette course à la rentabilité, à l'économie. Absolument phénoménale. Donc on est rentré dans une campagne d'empoisonnement massif des chiens de prairie. On a diminué le nombre de plus de 90% à peu près. Et puis, problème pour les chiens de prairie supplémentaires, c'est que l'homme a introduit par accident la peste. Or, c'est une maladie de rongeurs avant d'être une maladie humaine. Et cette il y a des rongeurs qui sont relativement résistants aux bacilles de la peste, d'autres pas du tout, ce qui est le cas des chiens de prairie. Donc à l'extermination humaine, il y a une deuxième vague exterminatrice qui a déferlé sur les chiens de prairie, qui a été la peste. Le chien de prairie étant une espèce essentielle pour les écosystèmes dans lesquels il vit, parce que énormément d'autres espèces animales dépendent de l'activité du chien de prairie, on s'est dit peut-être, bien qu'un peu tard, qu'il fallait peut-être essayer de sauver cet animal. Et bien sûr, on a essayé de réparer l'action. Et en fait, ça, c'est une grande caractéristique de la gestion de l'environnement. Quand on parle de gérer l'environnement, très très très souvent, voire toujours, il s'agit de gérer les erreurs de la gestion précédente de l'environnement. C'est-à-dire, quand on crée le ministère de l'Environnement à la fin des années 60, c'est pourquoi traiter la pollution, le bruit, la disparition des espèces. En fait, c'est pour gérer les erreurs qu'on a fait la génération d'avant, deux générations d'avant, et depuis parfois assez longtemps. Et là, dans le cas du chien de prairie, effectivement, on a abouti à la disparition d'autres espèces, hein, comme le putois à pied noir, par exemple. Oui, alors ça, c'est un exemple absolument pathétique, puisque le nombre de putois était pratiquement réduit à néant. On a essayé de le sauvegarder, puis il est lui-même victime de la peste, donc on a songé, quand on réintroduit des putois, à les vacciner, ou essayer de les capturer pour les vacciner. Il y a eu des épidémies de maladie de carré également. Donc, on a une gestion extrêmement compliquée, très très coûteuse pour essayer encore une fois de faire survivre quelques centaines ou quelques milliers de putois à pied noir. Et puis les erreurs humaines, elles peuvent aussi passer par l'introduction d'espèces ailleurs que sur son territoire de prédilection, comme par exemple le crapaud buffle en Australie. Alors ça devait être la panacée finalement. Oui, oui, c'était dans le but de lutter contre les insectes des plantations de canne à sucre. Je pense que jamais un seul crapaud buffle a fait diminuer la quantité d'insectes, mais on était absolument convaincus du contraire à cette époque. Et le crapaud buffle est une espèce extrêmement vénéneuse, en fait, et les prédateurs qui se nourrissent logiquement de batraciens meurent de façon assez radicale lorsqu'ils essayent de consommer des crapauds buffles. Et le crapaud buffle a eu une vague comme ça d'extension en Australie. Ce n'est pas fini. Avec une intense et rapide en plus. Hein. Très très très rapide. Et d'ailleurs, on a du mal à expliquer la rapidité de la circulation. Alors dans certains cas, ce qui a été démontré, c'est que une espèce envahissante va s'étendre pas simplement que par ses propres moyens, mais très souvent par l'aide des hommes. Par exemple, dans le cas de la spongieuse, qui est un insecte, un papillon qui a été introduit par accident en Amérique du Nord, qui détruit des arbres, la spongieuse peut se mettre assez facilement pour hiverner dans des objets qui peuvent après circuler pour des raisons commerciales, du bois ou du matériel de jardin, par exemple. Donc il faut finalement traiter aussi ces bois si on veut qu'ils passent les frontières. Et cette question frontière d'ailleurs est abordée dans votre livre, Valérie Chanzigaud, sous forme d'un chapitre très très instructif. Et c'est ce que vous dites, hein, dans le livre finalement. Tous les problèmes liés aux animaux, aux plantes et aux micro-organismes sont créés et amplifiés par l'être humain, par ses choix et ses préjugés culturels ou économiques, par ses organisations administratives ou étatiques, par ses habitudes et son oubli du passé. On poursuit sur ce thème-là juste après votre choix musical et dans les différentes propositions que vous nous avez fait, Valérie Chanzigaud, on a choisi Alain Souchon, pardon. Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine. Les enfants, chevreuils lancés au-dessus des fleurs, chaudes perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre. Le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aime, le vent les aime, pardon. On embête les bêtes avec 14h35, et c'était Alain Souchon avec cette chanson « Pardon », le choix de notre invité aujourd'hui, l'historienne Valérie Chanzigo, auteure du livre « La nature à l'épreuve de l'homme » et en sa compagnie au sein de la Marche des sciences, eh bien, nous scrutons l'histoire de nos liens avec la nature, une ambition aussi de mesurer l'ampleur du désordre dans ces liens et de rendre visible la crise environnementale contemporaine que nous traversons. Les agents de la division Nature et Forêt de Wallonie sont inquiets. De très nombreux frênes des forêts wallonnes sont attaqués par un champignon venu d'Asie. Un champignon qui a d'abord transité par l'Europe de l'Est et qui décime de très nombreux arbres. Reportage à Ranly, en province de Hainaut, Aurélie Henton et Dominique Sokolowski. Dans le bois des Sept Chevaux, les premiers symptômes sont apparus il y a 2 ans. Sur la parcelle de semis naturel, les traces de la maladie, feuilles mortes et bois secs. Ces jeunes pousses sont touchées par la calara. En surplomb, le champignon a aussi atteint les parents. C'est un champignon dont les spores volent au vent, donc il se pose un peu sur tous les arbres. Et alors c'est le frêne qui est attaqué, c'est un champignon qui est spécifique au frêne, la calara fraxinea, voilà. Et donc pour l'instant, non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de produit préconisé. L'Observatoire de la santé des forêts suit l'évolution. La plupart des zones forestières wallonnes sont concernées. Le problème dépasse même nos frontières. L'an dernier, le Royaume-Uni a dû se résoudre à abattre 100 000 frênes. La Wallonie ne s'engagera pas dans cette voie. Et voici ce cas donc précis, hein, Valérie Chanzigo, des frênes de Wallonie attaquées par un champignon asiatique. Donc c'était dans ce reportage télé de RTL Belgique du 13 juin 2013. Et donc tout ce problème des épidémies qui touchent les arbres, hein, depuis plus d'un siècle dans le monde entraîne aussi de lourds coûts financiers. Mais vous nous parlez très largement de, au-delà des frênes, hein, la spongieuse, la mort du châtaignier américain, le premier cas en 1904 quand même, hein, et donc toujours d'actualité. Les ormes, le frêne commun, le pin d'Alep, les oliviers dont on a parlé avant justement la chanson. Oui, c'est les arbres constituent un joli exemple en fait d'un phénomène de réitération. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on écoute les informations, qu'on est à l'écoute du monde et de ce qui se passe, qu'il y a effectivement des crises, ça et là, et que ces crises, en fait, paraissent comme tout à fait isolées. Tout à fait, en fait, c'est un élément. C'est sporadique, quoi. Voilà. C'est une sorte. Et on va le régler. Et puis on va le régler, et puis on va en tirer un enseignement. Sauf que les épidémies qui touchent les arbres montrent que c'est un phénomène qui est récurrent, et qui d'ailleurs s'accélère au fil du temps, suivant une courbe quasiment exponentielle, et qu'en gros, les connaissances qu'on a eues dès le début du XXe siècle, parfois même un peu avant, concernant ces épidémies, n'ont jamais servi à éviter l'épidémie d'après. Alors même qu'on avait compris ce qu'il fallait faire, et ce qu'il fallait faire était à la fois simple à faire et très efficace. Mmh. Et ce qui est frappant, c'est cette répétition. Encore une fois, le coût de ces épidémies, ce n'est pas rien. Par exemple, je parle longuement de l'orme, parce que c'est un exemple frappant. L'orme est un feuillu qu'on connaissait, qui est un feuillu extrêmement banal dans les forêts européennes. Première épidémie en 1918, puis une deuxième pandémie mondiale dans les années 1960, suite en fait à une évolution du champignon, en fait. Et ça va tuer des centaines de millions d'arbres à travers le monde, en Europe et en Amérique du Nord, peut-être des milliards. Il y a des villes américaines, parce que c'était une espèce horticole prisée, les Pays-Bas en ont planté des centaines de milliers qu'il a fallu remplacer. Donc lors de la première épidémie, on s'est dit, il faut imaginer aussi, par exemple, les Pays-Bas avaient planté plus de 100 000 ormes qui étaient des clones du même individu. En termes de variété génétique, ça se pose un peu là, mais parce qu'il avait des belles qualités ornementales. Évidemment, on va développer après 18 des ormes résistants à ce champignon et qui seront complètement balayés lors de la deuxième pandémie. Donc c'est des coûts absolument considérables. Dans le cas du frêne, oui. Autre feuillu extrêmement banal, le champignon n'a pas encore traversé la totalité de la France, il est en train de le faire. Il est à peu près inévitable qu'il finisse par le faire et on ne sait pas si à terme il y aura encore des frênes en Europe. puisque le taux de mortalité dans la région, la première région touchée, qui est le nord de la Pologne, le taux de mortalité est supérieur à 90%. Et contrairement à l'orme qui est frappé par la maladie lorsqu'il devient en quelque sorte adulte, là, tous les frênes, quelle que soit leur classe d'âge, sont atteints, en fait, par cette épidémie. En fait, ce qui est assez incroyable dans le livre que vous nous offrez, Valérie Chanzigo, La nature et l'épreuve de l'homme, c'est que, comme vous le dites, on prend pas la mesure de ces désastres hein, qui sont en cours et qui, s'ils n'ont pas encore atteint, ou l'Europe, vont l'atteindre d'ici quelques années. Mais vous nous montrez que finalement, nous avons trop consacré de temps et d'énergie à soigner les symptômes et qu'il est temps aujourd'hui de s'attaquer aux causes du mal. Oui, ce qui est frappant, c'est que dans le cas du frêne, par exemple, c'est le petit reportage qu'on a entendu, il y avait une deuxième séquence où l'une des personnes qui s'est exprimée a dit « mais on va pas arrêter de commercer du frêne, parce que quand même, c'est rentable ». Cette idée de la rentabilité, de la production en fait d'un gain est terrible, parce que, par exemple, on sait que l'Angleterre a continué à acheter du frêne européen, y compris de pays touchés par la maladie, sachant que la maladie existait, mais ça n'a pas freiné du tout l'appétit commercial. Donc la maladie est arrivée en Angleterre largement parce qu'on a été le chercher. Tout ça parce qu'on ne va pas arrêter le commerce. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire les solutions sont à notre portée. Encore faut-il qu'on ait la volonté, par exemple, de maîtriser le commerce. Le commerce a tous les droits. Est-ce que l'on veut, effectivement, que le commerce ait tous les droits? Est-ce que c'est une société dans laquelle on a envie de vivre? Mais du coup, c'est presque un appel à l'imagination, à la créativité, à l'envie aussi, hein. Oui, il faut imaginer un autre monde. Faut s'adapter, justement. S'adapter au monde que l'on a fait et que l'on fait. Et pas simplement d'essayer de faire un petit sparadrap, une petite mesure, une petite réglementation. On aime beaucoup les réglementations parce que c'est à court terme, c'est facile pour quelqu'un qui est politique d'adopter quelque chose comme ça. Alors que les problèmes, c'est beaucoup plus, justement, par exemple, la place du commerce dans la société. Allez, juste pour avoir un petit peu une idée, parmi tout ce que vous nous développez dans votre livre, c'est les plus gros dangers pour demain ? Ou le plus gros danger, s'il y en avait un ? C'est le commerce. C'est le commerce. Par exemple, je donne... Tout ce qui fait franchir les frontières, quoi. Oui, parce que il y a 30 000 espèces introduites en Europe, par exemple. 30 000 espèces ont été introduites. Toutes ne sont pas envahissantes, mais 30 000 espèces ont été introduites. Ça veut dire que comme il faut au moins 10 candidats pour un élu, ça veut dire que 300 000 espèces ont été un jour transportées en Europe. 300 000, imaginez. Or, ce 30 000 est largement inférieur à la réalité. Donc on est face à quelque chose, il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est là le problème, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre en donnant des exemples extrêmement nombreux et précis, qu'il n'y a effectivement pas de pilote dans l'avion. Et il faut s'interroger sur l'absence de conduite que l'on a en fait mis en place, qu'on a accepté, qu'on a toléré. Donc finalement, vous faites partie, quelque part, Valérie Chanzigo, de ces alerteurs qui ont essayé de dire les choses. Est-ce que il y a peut-être beaucoup d'espoir aujourd'hui de se faire entendre, d'une manière ou d'une autre ? Il faut toujours avoir de l'espoir. Il y a toujours la possibilité de changer. On a notre libre arbitre, on a notre intelligence, on a la capacité, effectivement, de véhiculer des informations. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'elles sont impossibles. Mais effectivement, il faut un minimum de volonté. Tenir, imaginer, créer et avoir l'envie, hein, ce sera oui. Le message. Merci Valérie Chanzigo. Je rappelle le titre de votre livre, La nature à l'épreuve de l'homme, paru chez Delachaux et Niestlé, là juste à la rentrée. Et puis je précise que pour ceux qui voudraient aller à votre rencontre, que samedi, vous serez présente à la Cité des Sciences à 14h30 pour une conférence, en tout cas une rencontre avec le public sur le thème « Vivre avec les animaux sauvages ». Et puis j'en profite pour conseiller à nos auditeurs sur ce thème de la nature deux ouvrages « Quand la nature inspire les écrivains », un livre d'Elisabeth Combre, paru chez Plume de Carotte et qui réunit 50 grands écrivains, de Virgile à Moyane, en passant par Pétrarque, Rabelais, Rousseau, Chateaubriand, Edgar Poe, Jules Verne, Georges Sand, Pierre Loti, Jean Giono, Hemingway, Jim Harrison, Steinbeck, Neruda et tant d'autres. En tout cas, une belle entreprise hein, qui nous plonge dans cette relation très personnelle de l'homme à la nature à travers ces hommes de lettres et des texte, peut-être que là aussi le message peut passer. Et puis un autre livre, Les Saisons, paru chez Actes Sud, d'après le film de Jacques Perrin et Jacques Clouseau, d'ailleurs qui sortira en janvier sur grand écran. Une chronique de l'histoire de la nature sur 20 000 ans, l'Europe sauvage, avec de magnifiques photos pour raconter du point de vue de l'animal cette épopée, et avec des textes de Stéphane Durand. En tout cas, un beau livre, peut-être idée cadeau de fin d'année, en sachant qu'il existe aussi la version en junior. Et alors, dans tout ça, la nature, la civilisation des Incas, quel rapport? On va s'en préoccuper tout de suite, vous restez avec nous, seconde partie. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, avec notre partenaire Les Cahiers de Sciences et Vie, le dernier sorti qui offre un dossier complet sur les Incas, l'empire de tous les mystères, fascinante civilisation. Et pour nous en parler, eh bien, je suis ravie d'accueillir justement Carmen Bernand, historienne et ethnologue. Bonjour Carmen Bernand. Bonjour madame. Je précise que vous êtes aussi l'auteur notamment d'un Découverte Gallimard qui s'intitule Les Incas, peuple du soleil, et que votre dernier livre, vous me direz si je me trompe, c'est bien le dernier, Genèse des musiques d'Amérique latine, passion, ça, oui. Subversion des raisons, qu'on peut trouver chez Fayard et dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Alors, on vous retrouve, Carmen Bernand, dans ces cahiers de Sciences et Vie, dans la grande interview de ce numéro coordonné par Émilie Rocher. Alors, peut-être pour commencer, bien le situer. Donc, c'est les Incas, donc c'est un empire très étendu, et en moins d'un siècle, de 1440 à 1530, 1 million de kilomètres carrés, constitué, qui constitue cet empire, c'est unique, environ 12 millions de sujets, les héritiers, ils sont les héritiers de 4000 ans de civilisations andines, en tout cas, voilà, l'état des lieux c'est ça, mais ils ne sont pas partis de nulle part. Non, ils ne sont pas partis de nulle part, mais d'abord peut-être préciser que ce territoire immense qui va de la Colombie jusqu'au centre du Chili, et qui même aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, demeure tout de même un territoire gigantesque, a été constitué sans roues, sans chars, sans chevaux, sans bêtes de somme, et donc à pied par des milliers et des milliers de tributaires qui ont effectué ce travail. Et donc ça, déjà, ça change beaucoup par rapport à d'autres empires qui ont vécu en Asie ou en Europe ou dans le Moyen-Orient. Ça, c'est une première chose. Évidemment, eux, les Incas, se disaient les seuls. Et donc, ils sont pratiquement sortis, pas de la cuisse de Jupiter, mais des pierres. Et à partir de là, ils ont expliqué qu'ils avaient civilisé les populations environnantes. Évidemment, les choses ne sont pas ainsi. Il y avait d'autres empires. Il y avait notamment l'empire qui a précédé celui des Incas, qui s'est étendu au centre du Pérou, dans ce qui est aujourd'hui la région... disons, la ville la plus importante, c'est Ayacucho, au centre du Pérou. Bon, ça, c'est un empire qui avait déjà commencé des travaux très importants de routes et qui avait aussi développé l'agriculture en terrasse qui est nécessaire dans une région qui est extrêmement montagneuse. Et donc, et avant les Wallis, il y a eu d'autres empires ou d'autres configurations, parce que le terme d'empire tout de suite nous renvoie à des choses qui pour nous sont connues, mais c'est difficile de dire qu'il s'agit... tout à fait d'un empire, en tout cas constitué en tant que tel. C'est pour ça que je disais, il y avait des prédécesseurs, et surtout, oui. c'est cette force incroyable, en tout cas, mais ce talent aussi d'avoir su absorber près de 200 ethnies différentes, donc soit 10 millions de personnes, alors que les Incas, eux, représentaient 40 000 sur cette totalité, c'est les chiffres à peu près donnés, avec peut-être l'art de l'administration des territoires conquis, on va en parler. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire des Incas, c'est vraiment de se dire que l'origine exacte des Incas reste confuse, parce que finalement on s'appuie sur des récits établis à partir de mémoires, et dans ce qui ensuite deviendra un empire espagnol, mais des mémoires, absence d'écrits, donc un peu difficile, et on imagine que le travail des archéologues a dû aussi permettre d'y voir un peu plus clair. Heureusement que les archéologues ont développé énormément les fouilles depuis déjà plusieurs décennies. Il y a eu un moment où tout avait stagné parce qu'il est difficile de faire des fouilles, il y avait des problèmes politiques, c'était très cher, bon, toutes ces considérations. Oui. Mais depuis quelques décennies, il y a eu un grand pas en avant. Et effectivement, on peut par exemple, bon, pour ce qui est des Incas, on sait qu'ils se sont constitués sur les décombres, le mot est fort, mais sur, disons, la fin de l'Empire Wari. Alors, il y a deux, vous parliez de ce que les gens disent, ils racontent des mythes. Alors, il y a deux types de mythes qui sont différents selon l'utilisation qu'on en fait. Selon certains récits, les Incas sont sortis du lac Titicaca. Pourquoi ? Parce que dans cette région, qui était très vénérable, avec des temples très anciens et tout, habitait un groupe ethnique, les Aymaras, et donc c'était une façon de les insérer et eux-mêmes de se donner une grande ancienneté. Selon une autre version, ils sont sortis des pierres, mais ça c'est une version qui est très courante et qui même, jusqu'au XXe siècle, et je... peut-être le 21, je n'ai pas pu vérifier, hante les esprits des paysans. Oui. Parce que les premiers ancêtres sont des ancêtres autochtones, c'est-à-dire sont sortis de la terre, et des montagnes notamment, ou des lacs d'altitude. Alors, c'est complexe parce que, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas d'écrit. Non. Et donc, on a affaire à des mythes qui sont des mythes. Et notamment le fameux mythe de l'Eldorado, ça vient quand même aussi de l'Empire des Incas. Oui, mais le mythe de l'Eldorado vient un tout petit peu de la conquête, parce que, bon, d'abord, les Espagnols avaient vu, pas au Pérou, mais en Colombie, une scène qui est même illustrée par des objets en or, oui, d'un prince qui était enduit de poudre d'or. Et donc, ils ont pensé que c'était le roi d'un pays de l'or. Et au moment de la conquête, justement, pour éviter des saccages et des pillages comme s'est passé, oui, on dit qu'ils ont enterré ces trésors qu'ils ont jetés dans des lacs. Oui. Et ils sont quelque part, et ça, c'est encore des choses que j'ai entendues sur le terrain. D'où cette quête éternelle, oui, soit d'archéologues, voilà, hein, mais soit aussi de chasseurs de trésors. Dans ces zones pas toujours faciles d'accès aussi, il faut bien préciser. Ce n'est jamais facile, et de toute façon, les montagnes, il y a toujours un endroit où on ne peut pas très bien aller, et ça reste quelque chose de très prégnant. Et un mystère. Et donc, d'où peut-être, Carmen Bernand, cet intérêt, parce que voilà, on a les cahiers de Science et Vie, les Incas, et on sait que ce sont des sujets qui passionnent toujours les lecteurs. Oui, il les passionne. Je pense que les Incas passionnent davantage que les Aztèques, ouais, parce que contrairement à ce qui a été affirmé, il n'y a pas de... On croit qu'il n'y a pas de sacrifice humain. Il y en avait. Simplement, il ne se passait pas de façon spectaculaire comme au Mexique. Il n'y avait pas de sang qui coulait, des cœurs arrachés, bon, des choses qui sont tout de même un tout petit peu heurtantes, même avec toute la distance culturelle qu'on peut y mettre. Et donc, les Incas ont bénéficié d'un livre qui a été écrit par un fils de princesse Inca, Garcilaso de la Vega, et un Espagnol, c'était un métis, qui en a fait une société idéale, parfaite, avec des lois très justes, etc. Et ce livre qui a été rédigé, bon, enfin, il a été publié au début du XVIIe siècle, a toujours inspiré soit des chefs incas en quête de reconnaissance, soit plus tard des indépendantistes, ou des socialistes, ou même des communistes qui pensaient que c'était une sorte de communisme primitif, règne de justice. Dernier point avec vous, Carmen Bernand, dans l'interview qui vous est consacrée donc, dans ces cahiers de sciences et vie, vous parlez quand même du problème du tourisme qui met à mal les lieux et le système de terrasses agricoles, parce qu'il y a cette fascination, le mystère de la cité perdue de Paititi, hein, c'est ça, le Graal des archéologues. Oui. Et donc aujourd'hui, mine de rien, ce patrimoine est en danger quand même. C'est, tous les patrimoines avec le tourisme de masse sont en danger. Et justement, il y a une semaine, je pense, à Cusco, il y a eu une grande manifestation parce qu'on voulait privatiser les ruines pour qu'elles rapportent davantage. Et heureusement, la population a pris part à des manifestations très, très dures et constantes. Et on va retirer ce projet. Parce que vous voyez, on en est là, à privatiser les ruines, comme si on privatisait le Louvre. Bon, on peut conseiller nos auditeurs de... d'acheter en tout cas, de plonger, d'aller voir, de scruter, l'Empire, les Incas. Je crois que cette revue est très bien faite. Bon, c'est et votre donc, regard de spécialiste qui nous intéresse, effectivement. Oui, elle est très bien faite et je pense qu'elle apporte beaucoup de choses au lecteur. Merci à vous, Carmen Bernand. Je rappelle aussi donc le titre des cahiers de sciences et vie, Incas, l'Empire de tous les mystères. Et puis votre livre, Découverte Gallimard, Les Incas, peuple du soleil. Et le dernier, Jeunesse des musiques d'Amérique latine, passion, subversion, des raisons, chez Fayard. Et toutes les infos, les liens, bien sûr, sont à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Puis archive, vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an ou nous suivre sur Twitter. Et merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe à mes côtés, à notre attachée d'émission Catherine Donné, Anaïs Morales pour les archives, Alexandra Malka qui réalise l'émission toujours avec le sourire derrière la vitre, avec aujourd'hui aussi à ses côtés Bruno Gagnère-Fontanille. Et puis merci à Janine Vital de la documentation sonore de Radio France. La semaine prochaine, on vous parlera d'une parution d'importance, l'histoire des sciences et des savoirs en 3 volumes, sous la direction de Dominique Pestre, à découvrir absolument.